Charline. Salut Charline. Est-ce que quelqu'un a 50 centimes à me prêter pour que je prenne un café là? Bah, ça dépend, tu nous donnes quoi en échange? Hein, comment ça? Ben oui, si on te prête, qui nous dit que tu vas pas spéculer sur ta dette? Ouais, et faire du fric sur notre dos. Vous êtes cinglé ou quoi? Je prends juste un café. Ouais. Je suis sûr que le patron de Goldman Sachs il dit ça aussi. Ouais, mais quoi? Ouais, c'est sûr qu'il dit ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive là-haut? Bon, moi je veux bien te prêter mais à 30% de taux d'intérêt. Ouais, mais ça a pas la tête. Mais c'est les taux du marché, c'est comme ça. Bon, écoutez, quand vous aurez fini de jouer à Macron, vous me préviendrez parce que moi je vais demander. Attends, Charline, moi je te les prête. Merci mon petit Guillaume. Enfin, bon, heureusement que t'es là. Mais en échange, tu viendras faire le ménage chez moi pendant 8 ans. C'est le principe du FMI avec les états pauvres, je te prête mais tu te soumets, c'est comme ça, c'est normal. Ah oui, d'accord, je vois. En fait, vous faites les malins parce que notre invité vient parler d'économie, c'est ça? Non, mais c'est bien, ça veut dire que vous avez lu le livre. Enfin, elles ont surtout regardé la photo de l'invité. Ah ouais, je vois le genre. Bon, et alors et toi Guillaume? Alors lui, il est plutôt Brigitte Macron. Toi que t'es... Mais non, parce que c'est une cougar, moi tu sais les espèces en voie de disparition. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Et toi avec Varoufakis à ce moment-là, c'est pareil? Non, Yanis, c'est pas pareil. Ouais, pourquoi c'est pas pareil? C'est pareil. Non, pas parce que Yanis c'est Yanis quoi, c'est... Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Charline? Je me sens pas bien. Bah, Charline, je crois qu'il faudra un café. On va te chercher. Le petit peuple est tellement manipulable. En fait, c'est ça le principe de base de l'économie. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait chuter le cours de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir sous la barre des 2045 points jusqu'à 18h. Macron définit son mouvement comme n'étant ni de droite ni de gauche. Il se situe politiquement comme NKM, sauf elle se définit et de droite et de gauche. Et Montou ne s'appelle pas le centre. Mais c'est le souvenir, la dernière fois que t'es venu, t'as pris à gauche ou à droite du chicot? Eh ben justement, je me suis déjà trompé une fois. Ils exercent un job à la con, pendant lequel ils mettent leur cerveau sur off. Mais une fois dehors, hôtesse ou livreur exercent leur esprit critique, féroce et ils témoignent. Ce à quoi leur patron répond « Mais tu t'en fous, prends l'oseille, casse-toi » On pensait que la start-up était enfin une création d'entreprise à la portée de tous, à condition d'avoir la bonne idée. Et on se rend compte que celles qui marchent sont le fait de jeunes favorisés qui ont fait de grandes études, mais bon, soit... Tu sais, parfois il faut se dire « Et puis merde !» et foncer dans la vie. Et pour faire des détours entre ces sujets, j'ai à mes côtés une tablée de complices. Bonjour André Manoukian. Bonjour Charline, bonjour Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du seul chanteur dont je sois vraiment jaloux. Il s'appelle Benjamin Biolay. Je vous expliquerai pourquoi je suis jaloux de lui. D'accord. Bonjour Guillaume Meurice. Et bonjour Charline Van Macker, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la proposition de Macron de supprimer l'ISF. Je suis allé voir des riches pour parler économie. Ce qui touche ces dividendes, dont l'avoir fiscal qui est le pendentif des impôts. Le pendentif des impôts. On est sûr de ça ou pas? Comment ça se passe? On va vérifier quand même. Et vous avez entendu son rire. Elle est au taquet. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Et ben moi je vais être à fond d'esprit France Inter et je vais vous parler de Céline Dion. Oh là là, mon Dieu, super. Ah, la tête d'André. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous publiez un rapport qui marque le début de votre enquête sur la dette en 2005, quand le résultat des entreprises du CAC 40 bat son record, 86 petits milliards d'euros. Oui. Vous soutenez votre thèse de doctorat en 2011, quand la BCE prête 500 petits milliards aux banques européennes. Et vous entrez au CNRS en 2013, quand Jérôme Cahuzac se rappelle qu'il avait oublié de l'argent en Suisse. Et vous, je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Benjamin Lemoine. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Benjamin Lemoine. Bonjour. Sociologue qui est spécialiste de la dette. Vous venez de publier L'ordre de la dette, une enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché. C'est paru aux éditions La Découverte. Alors nous, dans cette émission, on est assez potache, mais on a aussi envie de comprendre ce qui nous entoure. Et on est assez con. On va falloir être très, très pédagogue. Mais on va faire des efforts pour comprendre. Vous êtes sociologue et votre objet d'étude, c'est la dette. Qu'est-ce que d'abord la sociologie peut apporter à notre vision de la dette? Un regard décalé, je pense, et puis une manière en fait de remettre en cause ceux qui nous semblent naturels, ceux avec quoi on vit tous les jours. Et les économistes, d'une certaine manière, ils sont un peu embarqués dans ce réel, hein, ils opèrent dedans. Et l'apport de la sociologie, bah, par exemple, c'est d'avoir recours à des méthodes comme l'histoire. Et puis, bah, moi, quand je me suis plongé dans cette histoire latine, bah, j'ai découvert en quelque sorte presque une tribu exotique où on voyait tout un fonctionnement financier tout à fait différent, où l'État se comportait comme un banquier et d'une certaine manière plonger dans l'histoire comme ça permet de dénaturaliser ou en quelque sorte de montrer que cette réalité de la dette sur les marchés va pas de soi et puis qu'on peut rouvrir des possibles et en quelque sorte l'apport ce serait de montrer que d'autres réalités sont possibles, c'est-à-dire d'autres façons de faire. Plusieurs interprétations de la dette finalement, de la vision de la dette qu'on a. La dette, elle culpabilise beaucoup les foyers, les gens. Souvent, on la divise, on dit, voilà, il y a autant d'argent sur votre tête par foyer à rembourser, etc. Ça, c'est une certaine vision. Et puis, il y a une vision qui dit, mais attendez, c'est pas de notre faute quand même. Est-ce que c'est vraiment à nous à rembourser la dette? Donc, cette vision, elle est modulable. C'est ça que vous essayez d'expliquer par l'histoire de la dette. C'est ça où je montre comment une certaine vision, une certaine réalité s'est imposée. Et puis, on a laissé d'autres enfouies sous le tapis d'une certaine, qu'on a fait disparaître d'autres formes de réalité. Et la réalité qui s'est imposée, c'est effectivement la réalité du financement sur les marchés de capitaux. Il y avait dans le générique une blague sur la discipline qui s'impose lorsqu'on vous prête de l'argent à un certain taux d'intérêt. Mm-hmm. On attend en face, on a des exigences vis-à-vis du débiteur. Et ce schéma, il s'est réimposé à l'État. Il était inexistant au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où l'État collectait des ressources avec une forme de facilité. Il dirigeait les banques, il les forçait à souscrire à ses emprunts d'État. La dette était administrée, en quelque sorte. Elle était administrée, puis en quelque sorte, l'État s'empruntait à lui-même. En fait, il y avait un circuit du trésor. C'était le terme de cette tribu exotique que je décris, mais ce sont des hauts fonctionnaires. Ils ne sont pas si exotiques que ça, mais on les a tellement oubliés, cette réalité, que ça paraît exotique. Et ce financement administré, il permettait effectivement d'échapper à cette contrainte du taux d'intérêt où, en échange d'un financement, eh bien, vous devez adopter un certain type de comportement. Vous devez vous soumettre, en quelque sorte, aux attentes et aux exigences du créancier, de la personne qui va investir en vous. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, les politiques et aussi les hauts fonctionnaires du Trésor ont décidé qu'ils allaient livrer finalement la dette à la loi naturelle du marché. C'est ça. Et c'est là que tout part en couille. Voilà. J'ai même retrouvé une archive où on voit Paul-Louis Soulidzer. Alors, je ne sais pas s'il existe encore dans l'imaginaire aujourd'hui, mais c'est Bernard Tapie ou Donald Trump qui va faire la promotion des emprunts d'État. Il était écrivain également. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Très bon auteur de romans financiers. Il a inventé le genre. Voilà, un genre inventé. Et Paul-Louis Soulidzer faisait la publicité des emprunts d'État et il expliquait, il brandissait les 10 commandements en disant, voilà, désormais le Trésor se soumet à la loi du marché. Donc, une mise en scène qu'on peut trouver un peu décalée, quasiment grotesque aujourd'hui. Et il y avait, d'une certaine manière, un choix délibéré pour cette financiarisation de l'État et le fait qu'on considérait que c'était une façon, à l'époque, de servir l'intérêt général, d'aller le plus loin possible dans cet emprunt par les marchés financiers. Et donc, c'est les années 80 aussi, et c'est le fait que la dette a beau être socialiste, et ben il faut aller la vendre à tout le monde. Il faut que cette dette socialiste s'exporte avec la baguette et le béret. Donc, les hauts fonctionnaires disent, c'est la pire des références possibles, une dette socialiste, vous imaginez? Eh bien, tout l'enjeu, ça a été qu'il a fallu quand même commercialiser cette dette. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit aussi qu'il y a une forme de normalisation des choix de politique économique, de neutralisation de ces choix, puisque... On a presque intégré ça, c'est que ça, la dette, voilà, elle donc, est là. On intègre la philosophie des marchés au cœur de l'État. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est totalement structurant sur la manière de penser l'économie. Et ça explique aussi peut-être ce que vous disiez sur le fait qu'il y a un consensus, on n'est ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. C'est-à-dire que sur les sujets économiques, on a eu un alignement de la classe politique et ça passe en partie, pas que, par la dette publique. Mais alors justement, Benjamin Lemoine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il faut déculpabiliser le citoyen de la dette? Est-ce que votre ouvrage, avec sa perspective historique, le prisme des sciences humaines, etc., nous dit aussi « Oh les gars, c'est pas de votre faute, donc déculpabilisons un peu ». Et est-ce que ça peut encourager aussi à ce qu'on appelle les audits citoyens, que les citoyens réclament aux dirigeants « Dites donc, la dette, qui en est vraiment responsable ?» Alors ça renvoie aussi à la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on a élu des gens qui ont fait une série de choix. Donc d'une certaine manière, par notre choix électoraux, on a mis en place au pouvoir des gens qui ont décidé un certain nombre de choses. Mais oui, mais ils avaient dit l'adversaire c'est la finance et tout, donc nous on y avait cru. Et oui, effectivement. Ouais. Donc le fait de rentrer vraiment concrètement dans ces audits que vous mentionnez, ou d'ouvrir la boîte noire de ces outils qui paraissent très techniques, dont on semble totalement dépossédé d'une certaine manière. Il faut se rappeler que l'emprunt d'État là-bas c'était très simple, c'était un bon du Trésor, ah oui, un bout de papier, voilà. Ouais. Le grand-père et la grand-mère. On peut y revenir, ça. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Oui, oui. Si en 2017 on voilà. Si Arlette Laguiller est élue, par exemple, eh ben, on y revient direct. Non, mais, est-ce que le politique a encore le pouvoir de dire oh, stop, on va refaire des bons du Trésor, etc. On revient Il y a toujours des bons du Trésor, hein, mais la chose importante, c'est qu'ils sont intermédiés, ils sont gérés par les marchés financiers. Alors, est-ce qu'on replaque le passé sur l'avenir? Je ne suis pas sûr, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que faire cette histoire, ça permet de critiquer l'ordre établi du présent et de réouvrir le champ des possibles. Eh bien, on vous conseille donc l'ouvrage de Benjamin Lemoine. C'est un peu pointu, il faut se concentrer, mais c'est la perspective historique est très claire. Il y a Paul Lussuitzer, c'est très drôle. C'est vrai. Il y a des images, on s'en marre du début à la fin. Et on apprend notamment que Bérégovoy, ministre de l'économie socialiste, a fait le pas décisif vers cette pour avoir livré la dette au marché. Benjamin Lemoine, l'ordre de la dette, donc une enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché, c'est paru aux éditions La Découverte. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure puisqu'on va parler de ces politiques qui sont au-dessus des clivages. Ils sont au-dessus de tout ça. Hein. Alors d'ici là, d'enjamber la dette, on verra bien. C'est jusqu'à 18h sur France Inter. Inter, où il n'est pas Weezer, mais il est 17h20. I love your English accent. Charlene, so sexy. Nous sommes en compagnie, vous l'avez entendu, d'André Manoukian, de Juliette Arnoux, de Guillaume Meurice, et notre invité, c'est le sociologue Benjamin Lemoine qui vient nous parler de l'ordre de la dette, son enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché aux éditions La Découverte. Benjamin Lemoine, à cette heure-ci, vous savez, on refait un point sur l'information. Évidemment, c'est important. Les gens nous écoutent pour ça beaucoup. Hein, donc, exactement. Oui, un point complet, c'est le point que tout le monde attend. Bien sûr. Donc allons-y. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Oui, Manuel Valls obligé de démentir les propos d'Emmanuel Macron sur l'ISF. C'est le nouveau passe-temps d'Emmanuel Macron. Emmerde Emmanuel Valls, c'est son côté Cécile Duflo. Nadine Morano s'exprime sur l'accueil des réfugiés au Vatican. C'est le nouveau passe-temps de Nadine Morano. Être toujours dans les jupes de l'église, c'est son côté enfant de 6 ans. Oui, à la fin, il y aura des brèves. Hein. C'est mon nouveau passe-temps, c'est mon côté Alex Vizorek. Et on commence avec la réaction étonnante de Jean-François Copé suite aux violences policières à Nuit Debout. On l'écoute. Qui ont reçu des gaz lacrymogènes sur le visage, c'est inqualifiable. Et je demande que sur cette question, le président de la République et le chef du gouvernement rendent des comptes aux Français. C'est inqualifiable. C'est une manifestation qui est une manifestation pacifique pour que le peuple de France puisse exprimer son indignation, son opposition à un texte de loi. C'est parfaitement démocratique et républicain de le faire. Ah, vous avez vu, c'est étonnant, hein, vous avez vu ça? Vous êtes sûr que c'est par rapport à Nuit Debout, là? Ah non, pardon, non, ça date de 2012 en fait, c'était à l'époque de la Manif pour tous. Ah oui, donc il est vraiment décomplexé, oui, là. Oui, oui, décomplexé, surtout au niveau du foutage de gueule, essentiellement. Alors on enchaîne avec une interview accordée à une revue spécialisée dans l'assurance, dans laquelle Emmanuel Macron suggère de supprimer l'ISF. Oui, en effet, ce qui est conforme à En Marche, hein, son mouvement politique, je le rappelle, ni à gauche, ni à gauche. Politique française toujours. Oui, avec Olivier Carré, le député maire d'Orléans du parti Les Républicains. Alors il annonce qu'Emmanuel Macron présidera les fêtes de Jeanne d'Arc. Oh là là là là là, toute la gauche va le fustiger. Oui, là. Oui, il va se faire descendre comme Jeanne d'Arc. Oui, finalement. On enchaîne. On enchaîne. Oui, alors crise des réfugiés à présent. Nadine Morano critique le pape qui a ramené à Rome 12 réfugiés syriens de sa visite de l'île grecque de Lesbos. Hier, Yanis Varoufakis encensait Macron. Aujourd'hui, Morano critique le pape. Vivement demain, Carlette Laguiller exprime son soutien à Donald Trump. Et oui, on continue avec une simulation d'attentat en gare Montparnasse. Le RAID, le GIGN et la BRI se sont exercés à répondre à une attaque terroriste. Les usagers de la SNCF, eux, songeraient à s'exercer à une simulation de train arrivant à l'heure en gare Montparnasse. Ça serait étonnant. Médias à présent, psychodrame dans le petit monde de la télé. Dérangé dans sa loge avant la nouvelle star par le chroniqueur Gilles Verdez, Joey Starr a violemment giflé ce dernier. Une séquence qui a donné des idées à D8 qui annonce la tenue la saison prochaine d'une nouvelle émission à la recherche de la nouvelle tarte. Oui, on comprend évidemment la colère de Cyril Hanouna. Oui, jusqu'ici, il était le seul autorisé à humilier ses chroniqueurs. En effet, on termine avec des brèves. Un septuagénaire persuadé de rentrer à Bordeaux emprunte l'autoroute à contresens et finit sa course contre un muret. Et nous souhaitons un prompt rétablissement à Alain Juppé. Oui, on pense à toi Alain. Et on termine avec le poème d'un petit garçon autiste qui émeut la toile. Alors je vous le cite, « J'essaye de trouver ma place, j'espère y réussir un jour », écrit le petit garçon. On t'a reconnu, François Hollande. On t'embrasse. Nous sommes sur France Inter, il est 17h25. Nous sommes en compagnie du sociologue Benjamin Lemoine. On va aborder le premier sujet avec vous, Benjamin. Emmanuel Macron prétend n'être donc ni de gauche, oui, ni de gauche a priori. Et ni de droite. Voilà, il est au-dessus de ça. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle trouve ça stupide. Elle prétend se situer à la fois à droite et à gauche. Donc les plus malins ont compris que face au système bipolaire en pleine désintégration, il fallait mélanger la droite et la gauche, ou alors passer au-dessus pour faire moderne. Enfin, tâchons de nous y retrouver un peu quand même. Attention, astuce. Comment différencier avec certitude sa droite de sa gauche, me direz-vous? C'est très simple, vous répondrai-je. Il vous suffit tout simplement de savoir quelle est votre main gauche et quelle est votre main droite. Pour éviter toute confusion, il existe un petit truc mémotechnique. Primo, demandez à votre médecin de famille si vous êtes droitier ou si vous êtes gaucher. Secondo, écrivez quelques mots avec une main, puis simultanément avec l'autre. Si le docteur vous a dit que vous étiez gaucher, la main avec laquelle vous êtes la plus à l'aise sera donc forcément votre main gauche. Et enfin, Tiesso, il ne vous reste plus qu'à opérer une translation spatiale de 360 degrés pour trouver votre main droite. Et inversement. Faux Contact, c'est un ancien programme de la RTBF avec Manu Taureau. Benjamin Lemoine, une question d'abord tout à fait générale sur ce clivage gauche-droite. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a confié au quotidien belge Le Soir qu'il y avait une ligne Maginot gauche-droite en France. Est-ce que dans la sociologie aussi, en ce moment, le clivage est dépassé et vous ne parvenez plus à expliquer la société avec gauche-droite ou bien c'est toujours des repères de la sociologie ? Je pense que c'est effectivement toujours des repères. Après, ces déclarations, elles ont une visée précise. C'est de rendre technique, indiscutable, certains phénomènes. Et ça s'applique la plupart du temps à l'économie. C'est-à-dire qu'on peut retrouver du clivage gauche-droite sur des sujets culturels, mais dès qu'il s'agit d'économie, de monnaie, par exemple, le fait de créer des emplois, de réduire le chômage, qui pourrait dire que c'est de gauche ou de droite, ou que c'est partisan de dire ça ? Mmh. Il y a une forme de consensus. L'idée, c'est comment on y parvient, par quelle modalité on atteint ces objectifs. Et là, effectivement, oui, on retrouve un clivage sur l'économie entre libéralisme et mode de fonctionnement alternatif. On retrouve ces clivages sur l'économie. Mais par exemple, la redistribution des richesses, ça reste une valeur de gauche. Oui. Mais elle a été abandonnée et par le PS et par ce qu'on appelle la droite. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement parce que le PS est devenu juste à droite ? Bah si, c'est qu'est-ce qui est devenu l'offre politique dite de gauche ou dite de droite ? Et effectivement, la professionnalisation politique fait qu'on a eu une tendance à l'uniformisation des programmes et globalement un grand décalage vers la droite si on considère que la droite c'est la défense de l'individualisme et du libéralisme économique. Donc ça nous dit des choses, c'est un indicateur. Les déclarations de Macron ou de Nathalie Kosciusko-Morizet sont un indicateur de ce qu'est devenu effectivement l'offre politique de gauche. En fait, ça ne sert plus à rien qu'ils se situent quelque part sur un échiquier parce qu'ils sont tous à droite finalement. Donc ils disent, bah, du coup, on est dit de gauche ou de droite puisque de toute façon, on est tous d'accord qu'on est à droite. Mais il en reste quand même encore à gauche. Oui, il paraît. Jean-Luc Mélenchon talonne François Hollande dans les sondages. Donc, NKM dit qu'elle est de droite et de gauche, parce qu'elle dit se dire ni de droite ni de gauche, c'est être nulle part. On se demande où elle s'entre dans tout ça, parce qu'être de droite et de gauche. Elle est partout, voilà. Ah, oui, c'est ça, oui, en ce moment, elle est en Afrique même. Du point de vue de la dette, par exemple, il y a une lecture dite de gauche et une lecture dite de droite de la dette, Benjamin Lemoine, et la vôtre, elle est plutôt de gauche ou elle est simplement historique? Moi, je décris un processus et il permet de réouvrir l'espace du pensable et donc il permettrait aux politiques de saisir de façon de droite ou de façon de gauche de la dette en allant encore plus loin dans la mise en marché ou éventuellement en considérant que la monnaie, le crédit, l'épargne sont des sujets tellement importants qu'il faudrait réintroduire les questions citoyennes, réintroduire le citoyen au cœur de ces discussions-là. Et donc vous parliez d'audit citoyen ou d'une façon de rentrer dans cette machinerie de la dette. On peut considérer que ça pourrait créer du clivage. Mais aujourd'hui, effectivement, la version dominante, elle tend à nier le conflit gauche-droite. La version dominante de cet ordre de la dette tend à nier ce conflit. Et on l'a vu dans les récentes campagnes électorales où en 2007, la gauche mettait au cœur de ses préoccupations la réduction de la dette publique, ce qui était une thématique à la base de François Bayrou. Ça s'est étendu dans le champ politique. Et puis, ça joue aussi sur des formes de consensus en disant ce sont les générations futures qui sont toutes victimes de la même façon de la dette publique. On pourrait répondre que non, on n'est pas tous égaux devant la dette publique. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui ont de l'épargne et qui l'ont placée dans des bons du trésor, qui sont éventuellement rémunérés par des taux d'intérêt, et puis ceux qui ne vivent que de leur salaire et qui sont éventuellement, au contraire, victimes du fait qu'au nom de la dette, au nom du paiement de cette dette et de ses intérêts, on va revenir sur un certain nombre d'acquis sociaux et de dépenses sociales et publiques. On va reconfigurer le service public. Et pour comprendre la dette de l'origine à nos jours, donc je vous conseille votre ouvrage « L'ordre de la dette », une enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché aux éditions La Découverte qui remet en perspective historique et on comprend bien au sortir de la guerre jusqu'à nos jours le virage qu'a opéré la dette. Et si on veut faire un audit citoyen, il faut la comprendre. Donc, voilà, Benjamin Lemoine est avec nous pour comprendre. André Manoukian, pour comprendre, bien, c'est pas gagné. Comprendre l'économie, c'est bien de faire un petit peu de détente et puis après on y retourne. Exactement. On se détend avec vous. Ce que j'admire chez mon voisin, c'est que j'avais l'impression de tout comprendre quand il parlait, contrairement peut-être à. Alors par contre, on parlait de gauche-droite, c'est-à-dire qu'on parlait d'horizontalité, on est d'accord. Moi, je vais vous parler de verticalité, plutôt de haut et de bas. Par exemple, il y a certaines voix qui parlent aux ovaires, d'autres qui parlent au cœur. D'autres, André, qui parlent au cœur. Si, il a étudié vachement les ovaires, en vrai. Et d'autres qui parlent à la tête. Il en est qui parlent aux trois à la fois. Et pour ça, elles prennent la forme du murmure. Le pouvoir sexuel du murmure est immense. C'est de Benjamin Biolay que je parle. Ouais. Hein. On a le sentiment que le chanteur nous mange l'oreille, provoquant une onde qui redescend par la moelle épinière jusqu'au bas du dos, soit le voyage inversé de l'ouverture des chakras, hein, qui normalement partent du bas vers le haut pour passer de l'énergie brute à l'éveil de la conscience cosmique. Vous me suivez, bien mon sûr. Cher économiste. Alors, ce murmure-là, donc, provoque une pure régression de l'oreille vers le chakra du cul, disons-le tout net. Biolay parle aux ovaires parce que c'est dans ses gènes. Et dans ses gènes, à Biolay, bah, y a du plaisir. C'est physique, c'est à cause de ses cordes vocales. Les siennes sont ainsi faites que lorsqu'elles se frottent, elles provoquent un son grave et doux à la fois, entre le râle et le ronron. Fermez cette bouche, Charline, vous... Mais la voix de Biolay, mais la voix de Biolay parle aussi au cœur. Parce que sa cam à Benjamin, c'est l'amour. Pour cet album, il était parti sur ses trucs de rupture un petit peu perso, puis s'est arrêté. En fait, ça n'est pas facile de pratiquer l'érotique solaire du contrat amoureux. C'est quoi l'érotique solaire du contrat amoureux? C'est Onfray qui parle d'Épicure. En gros, il y a trois catégories de personnes, nous dit Épicure. 1. Les gens qu'on aime. 2. Ceux que l'on désire. 3. Ce qu'on aime et qu'on désire à la fois. Alors bien sûr, la catégorie 3, c'est l'idéal, mais elle est fragile parce qu'elle mêle deux composantes. Et il y en a toujours une des deux composantes qui fout le camp. Dans ce cas-là, c'est retour à la 1, à la 2. Et dans ce cas, bah, il faut plusieurs personnes pour satisfaire ses besoins différents. L'amour... Libre interprétation d'André Malouchian sur mais la non, part. C'est Épicure. Parce que je l'ai lu le livre, alors. C'est pas marqué ça. L'amour est-il un manque ou une production? Platon avec la boule, hein, on y manque la moitié, ou Épicure, Lacan... C'est mieux que Platon avec les boules, hein, c'est sûr. Lacan ou Foucault. Oui, c'est de ça qu'il parle, Benjamin, dans ses chansons. Mais avec la... Mais il est au courant de ça ou pas avec... Il ne le sait pas, mais moi oui, je le pas. Sais. Mais avec la distance nécessaire qui rend la morale esthétique. Comment accepter que j'aime, mais que je désire ailleurs? Pour pratiquer une morale sans Dieu, nous dit Onfray, une seule solution, une éthique esthétique. Et nous voilà en Argentine. C'est le pays qu'a choisi Benjamin pour y enregistrer son somptueux album Palermo Hollywood. L'Argentine, ça produit une des musiques les plus sensibles qui soient, au sens philosophique du terme. Biolay substitue au cogito de Descartes au « je pense donc je suis » le « je ressens donc je suis ». Qui n'a pas écouté le chant d'un indien guarani qui égrène des accords de jésuites espagnols répondant ouais. à la plainte d'un bandonné onistique ukrainien ne bah connaît oui, pas vraiment. L'Argentine. Vous parlez de Florent Pagny quand vous dites ça. Ah non, pardon. Ah, arrêtez. Bon, maintenant, regardez une photo de Jorge Luis Borges, jeune. C'est Biolay, la même bouche sensuelle, charnu et ourlé, regarde sur internet, le même regard, pensif et un peu triste à la fois, la même gomina dans les cheveux coiffés en arrière. Biolay parle à la tête car, et ce n'est que rarement souligné, il est à la fois compositeur, auteur, instrumentiste et arrangeur. Mais quand je dis arrangeur, c'est qu'il écrit de purs scores de violon à la manière d'un compositeur de musique de film. Biolay est à la fois Gainsbourg et Jean-Claude Vanier, son arrangeur de génie, qui s'était tapé toutes les musiques de Melody Nelson, soit dit en passant. Voilà pourquoi Biolay, entre Borges et Baudelaire, est un des rares chanteurs français qui parle aux ovaires, à la tête et au cœur. Le jour se lève enfin sur Palermo, Hollywood. Un train se marche dans la rue, me lâche un coup. Alors je monte dans un taxi qui me dit de fumer merci. Libertador, même l'hiver j'adore. Le jour se lève enfin sur Palermo, Hollywood. J'ai eu le coup du couffin, c'est comme un coup de foudre. Les filles sont belles, les filles sont libres. Je suis fatigué, suivre. J'ai peur de ne pas... se lève enfin sur Palermo, Hollywood. J'en ai du temps à tuer, ouais, j'ai pas de grains à moudre. San Lorenzo, Mar del Plata, Salta River, Tigre, Boca, Farinelli, Recoleta, le bon Dieu te reconnaîtra. Hollywood, le dernier titre de Benjamin Biolay sous le regard ébahi et admiratif d'André Manoukian dans sa chronique que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr. Et Benjamin Biolay, une journée spéciale lui est consacrée sur cette antenne vendredi. Il sera à la fois dans la matinale et puis un petit peu toute la journée. Il lance des disques, tout ça. Mais oui. Je sais pas qui les rattrape, mais il lance des disques. Vous avez vu, on dirait une musique de film. On dirait Ennio Morricone aux arrangements avec la diva qui chante au loin, paumé dans le désert. Non, il est énervant, ce garçon, franchement. Au bon sens du terme. Oui, nous sommes sur France Inter. Il est 17h37. On parle de la dette aujourd'hui avec le sociologue Benjamin Lemoine. Et puis, évidemment, il y a Juliette Arnaud qui va nous parler littérature tout à l'heure. Hein, c'est ça, hein? Oui, oui, enfin, c'est un chanson. Essai, donc ça ne sera pas à proprement parler de littérature. Elle a dodeliné. Elle dodeline. Et à ce moment-ci, c'est le moment Meurice. Eh bien, allez-y, quoi. Hein. Ben moi, je vais vous parler d'Emmanuel Macron aujourd'hui, hein, le mec à Brigitte, le cum à Bribri. Il est omniprésent dans les médias en ce moment. Hein. C'est un garçon facétieux qui fourmille de bonnes idées. Dernière proposition en date, hier, dans la revue Risque, il a déclaré qu'il fallait supprimer l'impôt sur la fortune. Et ça, dans l'échelle des bonnes idées, c'est pile entre insulter la mère de Joey Star en face de lui et confier un vase en cristal auquel on tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à Alain Finkielkraut. C'est pas hyper haut placé dans l'échelle des bonnes idées. Mais supprimer l'ISF, c'est tout de même une idée que partagent bon nombre de nos concitoyens. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils partagent, vu que justement, ils aiment pas partager ces gens-là. Je suis allé à leur rencontre ce matin dans leur ghetto, hein, qui s'appelle le 16e arrondissement de Paris. Alors on commence avec un premier habitant. Qu'est-ce qu'il pense de la proposition de Macron? Ah ben, il a bien fait. Ah bon? Ouais. Vous êtes contre l'impôt sur la fortune? Oui. Pourquoi? Alors expliquez-moi ça. Ben, comme ça. Ah, vous n'avez pas vraiment de raison d'être contre? Non. Mais vous êtes contre quand même? Oui. Et pourquoi? Ben, comme ça. Voilà. Notre invité Benjamin Lemoine prend une grosse claque en termes d'analyse économique. Et ça sert peut-être à rien de faire des bouquins de 35 pages, 300 pages, hein, mon petit pote. Faut juste avoir un argumentaire chrétien. Hein. D'ailleurs, on retrouvera bientôt en librairie le livre de ce monsieur, hein, qui aura pour titre « C'est comme ça, parce que c'est comme ça » aux éditions. Et puis c'est tout. Alors après, il y a des habitants du 16e qui ont des analyses économiques plus poussées sur les riches et les pauvres. S'il n'y avait pas de riches, ils ne pourraient pas donner aux pauvres. Et si tout le monde était moins riche, tout le monde serait moins pauvre? Je trouve que c'est un raisonnement qui est un peu simpliste. Les gens pauvres, peut-être qu'ils pourraient faire des économies, je pense. Oui, mais s'ils n'en ont pas d'économie. S'ils n'ont pas d'économie. Mais s'il y a des... Moi, je suis d'une région où on travaille beaucoup, c'est l'Est de la France, et les gens ont travaillé, ce sont des durs. Hein. Vous allez en dessous de la Loire, c'est déjà beaucoup moins bosseurs. Oui, les gens du sud de la Loire sont beaucoup moins bosseurs, on le sait, hein, en dessous de Nevers, on n'en glande plus une du tout, c'est bien connu. Alors là, on est dans la géo-économie, hein, voire la sociologie. Je vois que Benjamin prend des notes, hein, ça c'est très bien pour le prochain bouquin. Ça explique beaucoup de choses sur la pauvreté en France. Et cette dame d'ailleurs, est-ce qu'elle est riche? Je ne suis pas riche, je suis propriétaire de mon appartement. Et il ne faut pas être envieux des riches, parce que d'abord, pour conserver sa fortune aujourd'hui, ça doit être un sacré casse-tête, un fameux souci. Bon, vous n'êtes pas riche, vous êtes juste propriétaire d'un appartement dans le 16e. Voilà. Voilà, voilà. Et ça peut peut-être vous faire sourire, mais à mon avis, dans le 16e, le placard à balais, il vaut 1 million d'euros. Hein. Donc, c'est vrai que c'est précieux en plus, un balai. Et puis, ils ont beaucoup de balais, les habitants du 16e. Cette dame avait au moins 70 balais. Voilà. Le jeu de mots est une valeur refuge. Hein. Notez-le aussi pour votre prochain bouquin, Benjamin. Et poursuivons avec un autre pas riche du tout. Alors, pourquoi il n'était pas riche? Ah ben, je paye beaucoup d'impôts sur le revenu, même si je ne suis pas riche. Ah bah ça veut dire que vous gagnez beaucoup. Ça veut pas dire ça. Ah bah si vous en payez beaucoup. Oui, si. Mais attendez, il faut regarder ce qui reste à la fin du mois. Hein. Il reste combien? Ah bah vous n'avez pas aussi que je vous présente ma feuille d'imposition, non? Ah bah si, pourquoi pas. Bon allez, arrêtez. Arrêtez votre enregistrement, s'il vous plaît. Voilà, pas riche, mais un petit peu nerveux, il a senti le piège. Hein. Et c'est là qu'il a eu du bol. Hein. Parce que si j'avais été Élise Lucet, le gars, il était foutu. Son espérance de vie chutait immédiatement. Elle l'aurait mordu à la jugulaire. Il aurait griffé le visage jusqu'à ce qu'il avoue. Et alors, que dire du suivant qui, lui, devrait payer l'ISF, mais... J'ai pas déclaré que j'étais propriétaire... C'est confidentiel, hein, bien sûr. Hein. Vous gardez, bah oui, oui. Vous gardez ça pour vous. Hein. Bon, restons confidentiels, je vous enregistre juste avec un micro France Inter qui est sous votre nez. Alors, l'ISF Je ne le paye pas, non, parce que je considère que c'est une injustice. Parce qu'on a une résidence secondaire, on doit payer l'ISF, c'est pas une richesse. Et c'est pas pour autant qu'on est riche qu'on paye. Une résidence secondaire, c'est pas un signe de richesse? Non. Non, mais ça c'est vrai. Moi je connais un SDF qui a plusieurs résidences. Et un carton, une poubelle, un caddie Auchan, hein, qu'il a honteusement volé au propriétaire d'Auchan. Hein, je rappelle la vénérable famille Muliez, hein, qui de chagrin a été contrainte de s'exiler en Belgique pour fuir cette spoliation de caddie. Bon, moi j'aurais bien aimé davantage discuter avec ce brave monsieur, mais malheureusement il était un petit peu fâché contre France Inter et contre les médias. Non, je considère que France Inter est comme tout, d'ailleurs tous les médias, la télé c'est la même chose. C'est à gauche, c'est phagocyté par la gauche. Je suis pas de gauche. Et tous les médias sont de gauche selon vous? Poser la question, c'est y répondre. Par exemple, TF1 est de gauche? Bon, attendez, vous plaisantez ou pas? Non, je présente pas. Bon, bien sûr, ils sont tous à gauche. À TF1 gauche, ouais. Ben bien entendu, c'est que c'est connu. Je m'étonne que vous me posiez la question. Non, ben moi, c'est la réponse qui m'étonne, par contre. Parce qu'on n'était pas au courant, mon bon monsieur. On ne savait pas que TF1 était de gauche. Et on n'est pas à l'abri d'apprendre que Valeurs Actuelles est un tract de SOS Racisme. Et on n'est pas à l'abri d'apprendre qu'un jour, Emmanuel Macron aura passé une journée sans dire de conneries. Merci, Guillaume Meurice. Benjamin Lemoine, peut-être une réaction. L'ISF, ça revient cycliquement, comme les 35 heures. Voilà. Et puis si on regarde là comment Macron justifie un peu sa position, c'est qu'à la fois il avance une idée de gauche, c'est-à-dire de dire qu'il est contre les droits de succession et la transmission des patrimoines, mais par contre, donc on ne sait pas quelle sera la réalisation ou la promesse sur les droits de succession, mais par contre directement il avance aussi une remise en cause de l'ISF, et là qui est clairement une mesure de droite qui on a déjà son programme, hein, Macron, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il dévoile son programme petit à petit. Il est en marche, hein, le gros lapin. Allez, sujet 2. On va avoir des problèmes avec Bribri. Benjamin Limoine est avec nous, sociologue, spécialiste de la dette. On va vous emmener sur un autre terrain de sociologie. L'Obs a recueilli le témoignage de 9 jeunes qui disent « J'ai un job à la con. Un travail complètement vide de sens et terriblement ennuyeux. » Le pire, c'est quand on en a conscience. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Vous avez reconnu la première Brad. Brad Pitt, c'est Brad. Fight Club, ouais. Fight Club, exactement. Oui, oui. Où il parle de tout ce potentiel gâché. Et puis c'est vrai que donc dans ces témoignages de l'Obs, il y a des bacs plus 4, plus 5, plus 6 qui finissent téléopérateurs. Ils disent j'ai un job à la con. Est-ce que ce potentiel gâché, vous qui êtes sociologue, Benjamin Lemoine, est-ce que vous trouvez qu'il grossit ou ça a toujours existé ou ça s'accélère et ça devient vraiment un phénomène de société assez encombrant? Non, mais il y a une inflation effectivement de ces métiers. C'est David Graeber qui avait sorti un article qui s'appelait Bullshit Jobs, oui. Où il expliquait que Sikens en 1930 disait que la robotisation, la mécanisation permettrait de réduire le temps de travail à 15 heures par semaine en termes d'utilité directe. Et pourtant, on constate l'inverse, c'est-à-dire l'inflation de tous les types de métiers, avec pour beaucoup un sentiment d'inutilité. Alors, faut voir que si certains ont un véritable sentiment d'inutilité ou de pas d'œuvrer à la justice sociale, ces métiers comme le consultant consulting qui sont mentionnés dans l'article oui, de l'Obs. Il y a une hôtesse d'accueil, par exemple. De contrôle ou d'évaluation, eh ben, ils ont une véritable fonction de contrôle social, de mise en ordre du monde social. Donc, si cette fonction échappe à ceux qui l'exercent, néanmoins, ça participe de la stabilité d'un système, en tout cas. Donc. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut en finir avec la valeur travail ? En gros, est-ce que vous êtes pour un revenu minimum universel, par exemple ? Je crois qu'il faut en tout cas redonner du sens au travail, ça c'est quelque chose de décisif, et puis aussi nuancer la critique du salariat qui est faite et qui est portée aussi par les nouveaux modes de travail, l'auto-entrepreneuriat, qui sont aussi des systèmes parfois d'auto-exploitation de soi-même. Ah oui. Et qu'il faut redonner du sens, ça c'est vraiment important d'avoir du sens au moins à la valeur travail, le sens d'utilité, et c'est très important dans les services publics notamment, et ce qui est intéressant dans ces différents témoignages, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de gens des services publics qui, de plus en plus, ont l'impression d'être inutiles, alors que dans des hôpitaux, comment être plus utile à la société que travailler dans un hôpital ? Et néanmoins, qu'est-ce qu'on a comme développement de la bureaucratie, du contrôle et de l'évaluation des pratiques médicales qui ont beaucoup moins de sens, ou en tout cas, les gens qui l'exercent ont l'impression que ce sens est plus lointain, d'une certaine manière. Et souvent, les métiers utiles sont les moins bien payés ou les moins bien valorisés, excepté médecins. C'est ça. Chroniqueur radio. En tout cas, je vous encourage à aller voir, par exemple, dans l'Obs, bien ces témoignages. Par exemple, il y a une jeune fille qui est hôtesse, qui a 28 ans, hôtesse d'accueil. Elle dit, je dirais que 95% de mon travail est aberrant. Elle gère des contrôles d'accès, donc elle met des étiquettes sur les badges, visiteurs, etc. Elle dit, je passe pour une couillonne, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des procédures. Surtout en ce moment, état d'urgence, etc. Il y en a de plus en plus. Voilà pour ce sujet. À 17h47, si on demandait à Juliette Arnault de nous évader un petit peu vers d'autres horizons. Oui, alors là, on va bien rigoler. Alors, aujourd'hui, c'est un essai écrit par Carl Wilson aux éditions Le Mot et le Reste. C'est joli quand même comme nom de Le Mot et le Reste. Le Mot et le Reste. Mm-hmm. Et le titre est sous forme de question. Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût ? En l'occurrence, je suis les autres. Je suis celle qui préfère manger des clous badigeonnés de pus pendant le reste de sa vie plutôt que d'assister à un concert de free jazz. Je suis celle qui estime dans le secret de son cœur qu'à bas, franchement, ça vaut le Velvet Underground. Je suis celle qui comprend Alex Visorek, même quand il chante très fort « Emmène-moi danser ce soir dans les couloirs de France Inter, on lui pardonne, il est belge ». Je suis celle qui a écouté Nirvana 10 piges après tout le monde et qui chaque année apprend religieusement par cœur le slow de l'été en versant une petite larme honteuse. Je suis celle qui est incapable d'écouter ça sans danser. Vous avez honte ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du yodel. Ah bon ? Ah oui. Eh ben, c'est du rock collège, ça s'appelle The Proclaimers, c'est un groupe des années 90 et il yodel. Je suis celle qui a mauvais goût, je ne m'en vante pas, j'essaye pour autant de ne pas en avoir honte. La petite phrase suivante, les goûts et les couleurs, ben ça se discute pas, ne m'a jamais satisfaite. Bah si Madame Taupin, bien sûr ça se discute, les goûts, les goûts, les couleurs. Et ce livre, pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût, ce livre va vous le démontrer. Merci qui ? Merci Céline. Non, pas Louis Ferdinand, non, pas ma belle-sœur. Céline Dion, et plus précisément son album de 1997, Let's Talk About Love. Parlons d'amour. Qui est le titre originel de l'ouvrage. Qui est le titre original de l'ouvrage, qui est le titre de son album, et dans lequel il y avait la fameuse chanson de Titanic en 1997. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le film sort, c'est un succès intergalactique pour cet album, Let's Talk About Love, de Périgueux à Houston, Texas, en passant par le Bangladesh, et commence en même temps que ce fantastique succès, le Céline bashing. Alors, dans le désordre, on trouve pire chanson de tous les temps, la femme la plus répugnante qui ait jamais chanté des chansons d'amour... commence à devenir dégueulasse. Alors qu'il y a Lara Fabian en plus. Alors qu'il y a Lara Fabian. Je crois que la majorité des gens préféreraient passer dans l'appareil digestif d'un anaconda plutôt que d'être Céline Dion l'espace d'une journée et autres joyeusetés. Les critiques s'en donnent à cœur joie. Oui. Mais Céline Dion s'en remettra, elle s'en bat l'œil Céline. Elle répond qu'elle joue à guichet fermé à Vegas depuis l'an 1000 et que donc le public est sa réponse. Merci, bisous, merci. Là où Carl Wilson, critique musicale, journaliste, essayiste d'origine québécoise qui aime la musique de Céline Dion comme j'aime l'eau en tant qu'apéritif. Donc là où Carl Wilson commence à moins ricaner, c'est à la lecture d'un article dans The Independent, un journal anglais, qui décrit de la sorte les fans de Céline. Coincés entre le vomi et l'indifférence, une fanbase existe. Sûrement des mamies, des types en smoking, des gosses en surpoids, des vendeurs de téléphones portables et des adeptes de centres commerciaux. avant ça, donc avant ce gros morceau de mépris, l'auteur le dit lui-même, Carl Wilson, eh ben, il était l'incarnation du cliché indie rock qui consiste à dire, je l'ai entendu toute ma vie, ouais, avant j'aimais ce groupe. C'est-à-dire avant que toi, idiote, se mette à l'apprécier. Et alors, Carl Wilson, eh ben, il mène l'enquête. Pourquoi est-ce qu'on pense nécessairement que tout ce que nous n'aimons pas relève du mauvais goût? Et puis d'ailleurs, comment ça se fabrique, le goût? Est-ce que ça serait pas un peu en rapport avec son revenu et son niveau social? Est-ce que ça serait pas pour être cool? Alors il se met à interroger Kant, et puis Bourdieu, et puis les fans de Céline. Il se cogne même un concert à Las Vegas tellement il veut piger le truc. Il finit même par chialer en pensant à son divorce à côté d'une femme philippine en larmes aussi, mais pour des raisons qu'il comprend pas parce qu'elle parle que philippin. Il écoute des tonnes de fois cet album, Let's Talk About Love, en ayant la trouille de deviner ce qu'en pensent les voisins. Bref, Carl Wilson mouille le maillot et c'est à la fois spectaculaire, réjouissant intellectuellement de le voir finir par s'octroyer le poste d'ambassadeur de la République démocratique de Dion et de s'exclamer qu'il faut avoir du lino à la place du cœur pour ne pas aimer cette femme, ne serait-ce qu'un petit peu. Let's talk about love, parlons d'amour, parlez d'amour, lisez ce livre. Voilà, un livre qui est sorti en 2007 et qui vient d'être traduit en français. Exactement. Voilà, on en a parlé hier en troisième sujet avec Vincent Cespedes et c'était bien de l'approfondir parce que c'est un sujet intéressant, il a voulu comprendre, il est allé vers ce qu'il déteste et essayer de le comprendre, c'est une démarche intéressante. André, et pourquoi vous ne faites pas ça vous? À la fin il est converti, c'est ça? Non, il n'est pas converti à la musique, il est déjà il est converti aux gens qui écoutent Céline Dion et il comprend ce que c'est que le sentimentalisme et qu'il y a un truc du cliché indie rock qui consiste à vomir le sentimentalisme et plus précisément le schmaltz, qui est un truc inventé par les juifs d'Europe de l'Est et qu'ils ont importé aux États-Unis. C'est tout ce qui dégouline, c'est tout ce qui vous fait chialer instantanément et dont vous avez un peu honte. Ouais, mais enfin, il y a des blues qui font chialer sans que ça soit de la musique de merde, comme Céline, je veux dire. Alors d'abord, je ne suis pas sûre que ce soit de la musique de merde, et puis on va se battre, André. Mais vous savez quoi, Juliette Arnaud va vous prêter le bouquin, André. Oui, parce que c'est oui, votre rayon. Avec plaisir. Voilà, avec grand plaisir. Plaisir. Comment peut-on Merci aimer beaucoup. Le jazz et faire la nouvelle star sur des 8? Je pense que ça va vous intéresser. Sujet 3, avec Benjamin Lemoine qui est là, on va en profiter. L'économie numérique n'est pas le secteur magique où l'on peut partir de rien pour créer une start-up. La plupart des boîtes continuent d'être créées par de jeunes blancs qui sortent d'HEC et des grandes écoles. Voyons ce qu'en dit par exemple Jean-Édouard. Les graphiques ont leur secret et c'est normal. Essayons de les percer ce soir. Alors c'est très simple, grâce à une étude américaine que j'ai conçue moi-même, puisque je suis américain, qui concerne l'influence du choix des crayons de couleur dans un diagramme de type classique. Alors attention, pour ceci, il vous faut au moins 3 crayons de couleur. Nous avons la courbe bleue, qui est de couleur bleue, on la voit bien ici en haut, c'est une très bonne couleur, c'est la meilleure, elle est au top. Il y a ensuite la rouge, qui est moyenne, et la blanche, qui est nulle, regardez, elle est tout en bas. Voilà, je crois qu'on a énormément appris ce soir, non ? À présent, vous connaissez les couleurs qui gagnent, les couleurs championnes. Vous allez pouvoir épater tout le monde en réunion en choisissant les bons crayons. C'était un message à caractère informatif de Canal+. À l'époque où Canal+. C'était encore Canal. Et oui. Benjamin Lemoine, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat, alors là les startups on nous a fait croire que tout le monde pouvait y arriver, il suffisait d'avoir l'idée, mais finalement l'idée du risque c'est pas évident quand on vient pas d'une famille où on a connu le confort. Mais qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat c'est devenu très à la mode, valorisant, surtout start-up, c'est le truc. Avant, on rêvait d'être fonctionnaire. Maintenant, on rêve de faire une start-up. Qu'est-ce qui a changé, Benjamin Lemoine? Bah, effectivement, c'est intéressant que ces nouveaux secteurs du numérique se sont normalisés totalement en étant investis totalement par des modes de finance conséquents et qu'on en fait une activité tout à fait profitable. Et ils ont été totalement réinvestis par les grandes écoles. Hein, c'est bien décrit, HEC, des polytechniciens. Effectivement, des gens qui ont une assise sociale qui peuvent se permettre comme ça d'aller défricher des terrains inconnus. Et lorsqu'on regarde de plus près, ben on voit que cette modernité qui se présente généralement face à l'archaïsme de l'entreprise et du salariat, ben elle est aussi porteur de nouvelles formes d'exploitation. Hein. Le cas de Uber, c'est vraiment l'entreprise par excellence qui n'assume pas en quelque sorte d'avoir un salariat et puis qui va coordonner des auto-entrepreneurs, donc évidemment sans code du travail, sans limitation du temps de travail. L'exploitation de soi-même, comme vous disiez tout à l'heure. C'est ça, donc il faut être un peu vigilant comme ça avec cet aspect innovant, moderne. Souvent, il y a un type derrière l'ordi vie et puis 50 qui courent dans les rues pour beaucoup moins d'argent. Eh bien, vous êtes sociologue, Benjamin Lemoine, vous allez devenir comédien tout de suite dans un instant si vous l'acceptez. C'est le petit sketch de fin d'émission, bien évidemment. Alors, petit résumé, petit pitch. Deux forces s'opposent à la loi El Khomri en ce moment. Il y a les syndicats de gauche d'un côté et le MEDEF. Alors, on a imaginé une manif commune. Alors, vous allez jouer Pierre Gattaz du MEDEF, bien évidemment. Et je jouerai moi-même Philippe Martinez de la CGT. On est parti. Non, non, non, à la loi El Khomri. Non, non, non, à la loi El Khomri. Qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Manuel Valls, t'es foutu, le peuple est dans la rue. Manuel Valls, t'es foutu, le peuple est dans la rue. Eh oh, oh, oh, c'est les slogans de la CGT, ça. Ah non, non, maintenant, c'est ceux du MEDEF. Oh l'autre, oh, il a spolié nos slogans, copieur. On est libre, si on veut se laisser pousser la moustache comme vous, eh ben on peut. Ah ouais, Gattaz, bah nous, on se fera pousser une bosse dans le dos comme la tienne, tiens. Alors c'est vous les copieurs. Non, c'est vous. Eh, nous, on était contre la loi El Khomri avant vous d'abord. Faudrait savoir, je pensais que vous étiez pour la convergence des luttes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux ça. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Je sais pas, on manifeste ensemble. Ensemble, genre on fait des pancartes communes. Oui, où on écrirait « Enfoirés de patrons qui ont quand même bien du mérite ». Ah, c'est pas mal. Ou alors on chanterait du Manu de Chardou. Super, on fait des stands merguez caviar. Oh là là, c'est beau Pierrot ça, hein, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive Philou? Oh, je sais pas. En physique, on dit que les opposés s'attirent, mais... Vous êtes beau avec vos autocollants. Merci. Merci Pierrot. Et dire qu'avant je préférais les pins. Oh là là là là. Vous étiez jeune, vous étiez fou Pierrot. Mais on est encore jeune et fou. Oh là là là là là là Pierre, mais on est si proche d'un coup. C'est un bâton de fumigène que je sens dans votre poche? Absolument pas Pierre. Oh là là, c'est dur. Ah oui, c'est la lutte. Vous voulez dire que c'est une dure lutte? Oh Pierre, je crois que ça va un petit peu trop vite entre nous. Vous avez raison. Pensons d'abord à faire échouer la loi El Khomri. Ouais, souhaitons-nous bonne chance. Si vous voulez, j'ai un porte-bonheur. Ah bon? Ouais, touchez ma bosse. Oh Pierre. Benjamin Lemoine, engagé, du CNRS. Super comédien, Benjamin Lemoine. Mais ouais. Hein. Mais oui, un fantasme de jouer Pierre Gattaz, ça oui, vous fait du bien. Fait, j'en rêvais. Hein, et puis, merci. En tant que spécialiste de la dette, ça doit faire un peu de bien. Merci Benjamin Lemoine d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous observez la dette donc par le prisme des sciences humaines et de l'histoire. Hein, il y a l'histoire de la dette et on comprend tout de suite mieux à travers ce prisme. Je rappelle votre ouvrage, L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché. C'est paru aux éditions La Découverte. Merci infiniment. Merci aussi à beaucoup. Vous autour de cette table. André Manoukian, merci. Qu'on retrouve demain, Juliette Arnaud aussi. Guillaume Meurice. Moi, je m'appelle Guillaume Meurice. Ouais. Et Alex sera là demain, bien sûr. Demain, on retrouve Johan Sfar, parce qu'on ne l'entend pas souvent sur cette antenne. Non. Ça fait longtemps en plus. Allez, on vous donne le mot de la fin. Voilà, je crois qu'on a énormément appris ce soir, ensemble. À présent, vous connaissez les couleurs qui gagnent, les couleurs championnes. Vous allez pouvoir épater tout le monde en réunion en choisissant les bons crayons.